Ce panneau annonce la fin d'un tunnel routier important. Il est évident que j'ai vu que je sortais d'un tunnel, il n'y a pas besoin de panneau pour cela. Mais ce panneau a une autre fonction. Il annonce que toutes les interdictions et obligations qui existaient dans ce tunnel prennent fin. Je peux éteindre mes feux. Et que les règles générales de circulation liées au type de route sur laquelle je circule s'appliquent donc à nouveau. Vitesse maxi 130 km/h par beau temps sur autoroute. Interdiction de faire demi-tour et de s'arrêter sauf cas d'urgence. Réponse A et B.